appelle-moi couteau suisse, aux lames tranchantes, avec la laine de thé à la menthe. Au mic, je t'enchante lentement, prépare tes pansements, lancement, non style sans plan. Au mic, c'est brutal, comme dans la vraie vie, c'est sanglant. Qu'est-ce t'attends? Tu vas tomber dans mon guet-apens. Dur sera la pente, longue sera l'attente. Ressens-tu les tremblements qui arrivent étrangement? Quand je rappe, jamais je mens, c'est mon cinquième élément. Tu veux du cash, hélas, pas tape ton patch, soda, juste des connasses qui te rappellent que plane souvent la menace. On devient tous dingues, victimes de cette société qui schlingue. J'ai pas de thune pour faire la brinque, mais je ne suis pas le plus à plaindre. Ça joue les boss, ça roule en Porsche, t'es peut-être vendu de la drogue. Ça joue les kings, ça sort le torse, quand ça tise un peu l'alcool. Ça se poste en bas des blocs avec des bites alligator. Ça garde des films de gang-bang dans la vraie Vitaminator. Plein de mauvaises herbes, petite frappe, lascar. Dur à cuire, charbonneur, anti-star. Plein de mauvaises herbes, fugitif, dollar. Zone argent du voyage, route à motard. Plein de mauvaises herbes, anarchiste, couche tard. Fumeur, pétard, chômeur, pas d'assoula. Plein de mauvaises herbes, plein, mauvaises herbes, plein, mauvaises herbes. On se bat pour une fiche de paix, un loyer convenable. Le pouvoir d'achat diminue et laisse pas mal de gens en rade. Y'a grave de blabla dans le discours du président et grave de rabla qui se propage dans les résidences. Vas-y, le son sort de macabre, l'ambiance est un peu macabre. Toujours les mêmes qui macabre, je les invite pas à ma table. Je braille comme le meneur d'équipe, je suis insolent comme un de tes kids. J'ai la rage comme un vieux pit, je reste rare comme l'as de pique. La mauvaise herbe squatte souvent la gare ou tourne à l'épicerie. Je défonce la gueule dans les bars, son estomac est extensible. Une bonne tête, rica, tant pis j'ai plutôt pica. Une bonne soirée de crevard, en mode pauvre comme Biga. Délinquant comme Soutspack, tricheur comme au jeu de cartes. Fumigène comme au parc, grande gueule comme Cantona. Défouraille la street avec un posca, fuck les mouchards. Les mauvaises herbes sont dans la place, comme DJ Bouchard. Plein de mauvaises herbes, petite frappe, lascar. Dur à cuire, charbonneur, anti-star. Plein de mauvaises herbes, fugitif, dollar. Zone argent du voyage, route à motard. Plein de mauvaises herbes, anarchiste, couche tard. Fumeur, pétard, chômeur, pas d'assoula. Plein de mauvaises herbes, plein, mauvaises herbes, plein, mauvaises herbes. La mauvaise herbe connaît le sens du terme. Lassitude se renferme sur soi-même. L'état nous pèse à tout azimut. Donne-moi la taille que je tisse pour rester assidu. Patron, donne-moi la paye, rajoute un zéro parce que c'est assidu. La mauvaise herbe crache sur vos instituts. Te serre la main juste après s'être gratté les testicules. Elle est connue pour ses calculs précis comme un matsu. Elle fournit la Z, ça en dit long sur son matricule. On veut un abonnement en stud, c'est là que mes forces décuplent. Ou sur un terrain de foot, mais pas le dimanche, mon corps décuple. Y'a plein de similitudes entre mecs du nord au sud. Ça regarde souvent les culs au lieu de bûcher ses études. La mauvaise herbe a ses vertus, elle est née dans l'amertume. Avec l'âge de sa perdure, c'est de pire en pire au crépuscule. Pour faire de la thune, y'en a plus d'un qui se bouscule. La mauvaise herbe te tape la bise sur son visage en plus de pustule. Plein de mauvaises herbes, petite frappe, lascar. Dur à cuire, charbonneur, anti-star. Plein de mauvaises herbes, fugitif, dollar. Zone argent du voyage, route à motard. Plein de mauvaises herbes, anarchiste, couche tard. Fumeur, pétard, chômeur, pas d'assoula. Plein de mauvaises herbes, plein, mauvaises herbes, plein, mauvaises herbes. Plein de mauvaises herbes. Plein de mauvaises herbes. Plein de mauvaises herbes. Plein de mauvaises herbes. Plein, mauvaises herbes.